Écoutez ceci, vous tous les peuples. Prêtez l'oreille, habitants du monde. Petits et grands, riches et pauvres. Mes paroles sont pour tout le monde. Ma bouche énoncera des paroles sages. Mon cœur méditera des pensées profondes. Je prêterai l'oreille aux sentences. Je dévoilerai mon énigme sur les ondes. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, quand l'iniquité de mes adversaires m'environne? Ils se confient dans leur bien, ils se glorifient dans leur grande fortune. Nul ne peut racheter son frère, ni donner à Dieu le prix de sa rançon. Le rachat de leur âme est trop cher, il faut qu'il y renonce à jamais, sans exception. Sans exception, ne crains pas quand un homme s'enrichit, quand la gloire de sa maison s'accroît, car sans intelligence et semblable aux bêtes qu'on égorge. Mais Dieu rachètera mon âme du séjour des morts, car il me prendra auprès de lui en son cortège. Celui qui a de la sagesse voit cela, il ne met pas sa confiance dans le succès. Il cherche son trésor en Dieu, la seule richesse qui ne disparaît jamais.